Bonjour amis taureaux. Alors pour cette rentrée donc de septembre 2023, nous avons décidé de revenir au tirage général pour voir dans quel domaine l'oracle de Béline a envie de vous donner un conseil ou en tout cas peut-être un petit message. Donc on va regarder cela. Donc pour les taureaux, septembre 2023, qu'en est-il? Alors, au niveau de la coupe indique, elle est un peu générale, hein, elle indique que vous, par rapport à peut-être un blocage, l'impression parfois d'être un peu enfermé dans une situation, eh bien une opportunité va arriver. On va regarder parce qu'on ne sait pas du tout de quel domaine il s'agit. Donc je vais étaler mes cartes sur le côté, sinon c'est un peu compliqué. Et je les prends au hasard. Alors, Taureau, septembre 2023. Pour les taureaux ou les ascendants taureaux. Et je découvre en même temps que vous. Oh, c'est excellent. C'est excellent, c'est excellent. Par contre, j'ai un peu. Ah voilà, merci. Je me demandais de quel domaine il s'agissait. Ça pouvait être la famille, ça pouvait être les amours, et puis surtout le boulot. Et puis finalement, voilà, ça me confirme que c'est bien le travail. Alors, pour les taureaux, on va parler également rentrée professionnelle. Apparemment, il y a eu des discussions, peut-être dernièrement, ou il y en aura tout début septembre, au sein de votre entreprise, au sein du groupe dans lequel vous travaillez, que ce soit un petit commerce, que ce soit une énorme entreprise, un établissement, public, etc., quel que soit votre métier. Et si vous n'avez pas de travail, eh bien, on voit qu'il y a des discussions, peut-être qu'il y a eu des entretiens professionnels avant les vacances ou dernièrement, ou qu'il y en aura ici tout début septembre. Et qu'est-ce que cela rapporte? Eh bien, ce qui rayonne sur le jeu, c'est la beauté. Donc, vous allez très très bien mener les choses, vous allez rayonner et je dirais même séduire vos interlocuteurs. Et on aura une excellente opinion de vous, ce qui va vous rapporter quoi? Un nouveau travail pour ceux qui n'ont pas de travail. Et pour ceux qui en ont, eh bien une nouvelle possibilité d'épanouissement professionnel, une nouvelle mission, une nouvelle façon, une nouvelle méthode, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle équipe peut-être. Et en tout cas, cela, grâce à cette carte, on voit, grâce à ces deux cartes surtout, que vous allez sans doute vous sentir par rapport à la coupe aussi beaucoup plus libre dans votre façon de travailler. Vous allez vous sentir comme si on vous donnait plus de responsabilités ou en tout cas on vous surveillait moins, on vous fait plus confiance. Donc voilà, c'est une excellente rentrée pour vous et c'est ce que je vous souhaite. Amis taureaux.